L'incendie terrestre de Marcel Schwab. Le dernier élan de foi qui avait entraîné le monde n'avait pu le sauver. Des prophètes nouveaux s'étaient dressés en vain. Les mystères de la volonté avaient été inutilement forcés, car il n'importait plus de la diriger, mais c'était sa quantité qui semblait décroître. L'énergie de tous les êtres vivants déclinait. Elle s'était concentrée dans un effort suprême vers une religion future, et l'effort n'avait pas réussi. Chacun se retranchait dans un égoïsme très doux. Toutes les passions étaient tolérées. La terre était comme dans une alcalmie chaude. Les vices y croissaient avec l'inconscience des larges plantes vénéneuses. L'immoralité, devenue la loi même des choses, avec le dieu hasard de la vie. La science obscurcie par la superstition mystique. La tartufferie du cœur à qui les sens servaient de tentacules. Les saisons autrefois délimitées, maintenant mélangées dans une série de jours pluvieux qui couvaient l'orage. Rien de précis ni de traditionnel, mais une confusion de vieilleries et le règne du vague. Ce fut alors que par une nuit d'électricité, le signal de dévastation parut tomber du ciel. Une tempête inconnue souffla d'en haut, engendrée par la corruption de la terre. Les froidures et les chaleurs, les clairs de soleil et les neiges, les pluies et les rayons confondus, avaient fait naître des forces de destruction qui éclatèrent soudain. Car une extraordinaire chute d'aérolithes devint visible et la nuit fut rayée par des traits fulgurants. Les étoiles flamboyèrent comme des torches et les nuages furent des messages de feu et la lune, un brasier rouge vomissant des projectiles multicolores. Toutes choses furent pénétrées par une lumière blafarde qui éclaira les derniers réduits et dont l'éblouissement, bien que tamisé, donna une prodigieuse douleur. Puis la nuit qui s'était ouverte se referma. De tous les volcans jaillirent des colonnes de cendres vers le ciel, semblables à des volutes de basalte noir, piliers d'un monde supraterrestre. Il y eut une pluie de poussière sombre en sens inverse et un nuage émané de la terre, qui couvrit la terre. Ainsi se passa la nuit, et l'aurore fut invisible. Une tache d'un rouge obscur gigantesque parcourut de l'est à l'ouest la cendre du ciel. L'atmosphère devint brûlante, et l'air fut piqué de points noirs qui s'attachaient partout. Les foules étaient prosternées sur le sol, ne sachant où fuir. Les cloches des églises, couvents et monastères sonnaient d'une façon incertaine, comme frappés par des battements surnaturels. Il y avait parfois des détonations dans les forts, où les pièces de siège tiraient des gargousses pour essayer de dégager l'air. Puis, comme le globe rouge touchait l'Occident et qu'un jour s'était écoulé, le silence général s'établit. Personne n'avait plus la force de prier ni de supplier. Et la masse incandescente franchissant l'horizon noir, tout l'ouest du ciel s'enflamma et une nappe de feu rétrograda sur l'ancienne route du soleil. Il y eut une fuite devant l'incendie céleste et terrestre. De pauvres petits corps se laissèrent glisser le long d'une fenêtre basse et coururent éperdument. Malgré les maculations de l'air corrompu, elle était très blonde, les yeux limpides. Lui, la peau dorée, avec un rideau transparent de boucles, où les lueurs singulières promenaient des rayons violets. Ils ne savaient rien, ni l'un ni l'autre. Ils sortaient à peine des confins de l'enfance et, vivant voisins, avaient l'affection d'un frère et d'une sœur. Ainsi, se tenant par la main, ils franchirent les rues noires où les toits et les cheminées semblaient frotter de lumière sinistre parmi les hommes étendus et les chevaux qui gisaient palpitants. Puis les murailles extérieures, les faubourgs dépeuplés, allant vers l'est, à l'envers de la flamme. Ils furent arrêtés par un fleuve qui barra soudain leur passage et dont les eaux glissaient rapidement. Mais il y avait une barque sur la rive. Ils la poussèrent et s'y jetèrent, la laissant aller au courant. La barque fut saisie à la quille par le flot, aux parois par l'ouragan, et partit comme la pierre lancée d'une fronde. C'était une très vieille barque de pêcheurs, brunie et polie par le frottement, dont les tôlets étaient usés à force de rames et les plats-bords luisants du passage des filets, comme l'outil primitif et honnête de la civilisation qui périssait. Ils se couchèrent au fond, se tenant toujours les mains et tremblant devant l'inconnu. Et la barque rapide les emmena vers une mer mystérieuse, fuyant sous la tempête chaude qui tourbillonnait. Ils se réveillèrent sur un océan désolé. Leur barque était entourée par des monceaux d'algues pâles où l'écume avait laissé sa bave sèche, où pourrissaient des bêtes irisées et des étoiles de mer roses. Les petites vagues portaient les ventres blancs des poissons morts. La moitié du ciel était voilée par l'extension du feu qui avançait sensiblement et mangeait sur la frange cendrée de l'autre moitié. Il leur semblait que la mer était morte, comme le reste, car son haleine était empestée et elle était parcourue dans sa translucidité de veines d'un bleu et d'un vert profond. Cependant, la barque glissait à sa surface avec un mouvement qui ne se ralentissait pas. L'horizon oriental avait des lueurs bleuâtres. Elle trempa sa main dans l'eau et la retira aussitôt. Les vagues étaient déjà chaudes. Une ébullition effrayante allait peut-être faire trembler l'océan. Au sud, il voyait des cimes de nuages blancs avec des aigrettes roses et ne savait si ce n'était pas une vapeur ignée. Le silence général et la flamme grandissante les figeaient dans la stupeur. Ils préféraient le grand cri qui les avait accompagnés comme l'écho d'un râle totalisé dans le vent. L'extrémité de la mer, où la coupole de cendre venait plonger, encore demi-obscure, était ouverte par une coupure claire. Une portion de cercle d'un bleu livide semblait y promettre l'entrée d'un nouveau monde. « Ah, regarde !» dit-elle. La légère buée qui flottait derrière eux sur l'océan venait de s'éclairer de la même lueur que le ciel, pâle et tremblotante. C'était la mer qui brûlait. Pourquoi cette universelle destruction? Leur tête, qui battait intérieurement dans l'air surchauffé, était pleine de cette question multipliée. Ils ne savaient pas. Ils étaient inconscients des fautes. La vie les étreignait. Ils vivaient plus vite tout d'un coup. L'adolescence les saisit au milieu de l'incendie du monde. Et, dans cette ancienne barque, dans ce premier instrument de la vie inférieure, ils étaient un si jeune Adam et une si petite Ève, seuls survivants de l'enfer terrestre. Le ciel était un dôme en feu. Il n'y avait plus à l'horizon qu'un seul point bleu extrême sur lequel allait se refermer la paupière de flamme. Une mer ronflante les atteignait déjà. Elle se dressa et se dévêtit. Nus, leurs membres polis et grêles étaient éclairés par la lueur universelle. Ils se prirent les mains et s'embrassèrent. « Aimons-nous, » dit-elle.